Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau podcast consacré au jardin et plus précisément à un mets très apprécié lors des apéritifs estivaux, des soirées barbecue, dans les salades d'été et les plats du sud de la France. Fraîche, séchée, confite, vous avez deviné, nous allons parler de la tomate. Et pour ce faire, nous recevons comme à l'accoutumée notre experte jardin Marianne qui va nous donner toutes les petites astuces pour réussir vos plants de tomates et les entretenir. Marianne, la parole est à toi. Et oui, comment réussir vos plants de tomates? Faire soi-même ses semis ou acheter directement vos plants en pot, la période idéale dépendra surtout de votre région et de votre regard avisé de jardinier ou de jardinière quant à la période des seins de glace, qui vont du 11 au 13 mai. Saint-Mamère, Pancrace, Cervet, qui annoncent de belles plantations et récoltes si vous patientez au-delà du 13 mai afin d'éviter tout risque important de gel. Préférez une exposition ensoleillée, pratiquez un arrosage régulier au pied de vos plants, sauf sur les feuilles, pour ne pas provoquer de maladies, et si votre sol reste largement humide, vous pouvez pailler afin de conserver sa fraîcheur et maintenir quelques semaines un voile d'hivernage. Apportez de l'engrais naturel au début du printemps, coquilles d'œufs, résidus de cendres de vos feux de cheminée ou poêle à bois, un mélange d'ortie ou de fumier de cheval très efficace pour l'apport indispensable de potassium et d'azote pour vos plants de tomates pendant leur croissance. Pour prévenir l'apparition de mildiou, qui est en fait un champignon qui attaquera vos plants en rendant les feuilles marron tachetées, vous pouvez répandre à leur base de la bouillie bordelaise avant que la chaleur et l'humidité ne s'associent pour activer le développement et la prolifération de ce champignon. Afin de favoriser également le développement de vos différents plants de tomates, plantez entre chaque plant ou parallèlement à votre rangée des œillets d'Inde, de la ciboulette, du basilic, très efficace contre les vers, les nématodes qui peuvent infecter les racines de vos plants. Par contre, évitez de planter à côté du fenouil ou des pommes de terre, car la tomate n'apprécie guère ces drôles de voisins. Et n'oubliez pas que vos plants de tomates cerises sur vos balcons ou sur vos fenêtres, en pot, en balconnière, éloignent les moustiques. Très intéressant toujours, ne pas oublier de les planter et de les enfouir assez profond pour favoriser l'apparition de plus de racines qui, en maintenant le taux d'humidité nécessaire, vous permettront surtout d'obtenir plus de tomates sur un seul pied. Ensuite, le plus compliqué pour vous sera de planter des tomates goûteuses en fonction de vos papilles. Cœur de bœuf à farcir, tomates colorées comme les tomates ananas, les noires de Crimée à chair savoureuse, les romas de taille plus allongée, les vertes ou green zebra, les tomates et fameuses tomates cerises très agréables en salade ou à l'apéritif. En somme, rien de tel que d'avoir à portée de main de quoi se régaler soi-même ainsi que ses convives. Alors, plantoir en main, programme tomate en vue. À bientôt. Merci Marianne pour tous ces conseils. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Notre podcast touche à sa fin. On se retrouve très vite pour parler déco, travaux et jardins. Et continuez à nous suivre sur la plateforme de votre choix. Spotify, Deezer, SoundCloud, PodCloud ou encore Google Podcast. À bientôt.